Chapitre 4. Seule dans sa chambre, Marianic va et vient, sans pouvoir rester un moment en place. Elle prend un bas qu'elle essaye machinalement de continuer, mais ses aiguilles s'immobilisent, le tricot échappe de ses doigts, et, ses yeux noirs droits devant elle, elle regarde sans voir, la pensée dans du rêve, sentant sa solitude s'emplir de choses qu'elle n'a pas appelées et qu'elle voudrait fuir. Par instant, elle passe la main sur son front d'un air las. Entre les deux couchettes enveloppées de leurs rideaux blancs, elle se trouve comme perdue, abandonnée. Elle a du regret de n'avoir pas près d'elle, ainsi que d'habitude, sa cousine Yvonne. Le caquetage de l'innocente, ses chansons, eussent apaisé ses mouvements de son âme. Du trouble envahit son cœur, soulève à gros soupirs son corsage sous le fichu croisé, car cette évocation d'Yvonne ramène plus net devant elle le souvenir de Jean-Marie Hervé. Tout vient de là, elle le devine bien. Cette conversation de ce soir, l'insinuation caressante qui l'a terminée, lui ont brusquement ouvert les yeux. La tendresse dont l'entoure son cousin n'est pas, comme elle l'a cru jusqu'à présent, une affection purement fraternelle. Elle s'est transformée en amour. Sa nature simple et primitive, livrée à ces choses subtiles, à cette sorte d'analyse irraisonnée d'elle-même, est profondément bouleversée, en proie à un trouble qui va grandissant, s'étendant à tous ses actes comme à toutes ses pensées. N'a-t-elle pas involontairement encouragé ce sentiment par l'accueil qu'elle a fait à ce parent si étrangement retrouvé, à ce jeune ami d'enfance qu'elle se rappelait à peine, mais dans le souvenir duquel elle avait été presque constamment bercée grâce à Yvonne, grâce aux mille petits faits de leur existence en commun? Que de fois elles ont parlé ensemble du pauvre disparu, l'une consciente, l'autre inconsciente des confidences échangées. Que de fois le cœur de Marianic s'est ouvert à fond, avec un sentiment d'apitoiement si facile, si prompt, si prenant chez les femmes, lorsqu'il était question du naufrage de la Proserpine, ou lorsqu'elle voyait au cimetière la tombe vide de l'infortuné cousin. Comment se faisait-il que, depuis son retour, elle n'ait encore eu aucune de ces réflexions qui, en ce moment, l'assiègent comme un vol d'oiseaux brusquement arraché à leur profonde retraite? Tous les jours, elle le voit. Tous les jours, ils prennent leur repas à la même table. Tous les jours, elle cause, elle rit avec lui, éprouvant une joie sincère à se trouver dans sa société, mais n'ayant jamais prévu qu'un danger pouvait se cacher sous cette quotidienne fréquentation. Pour la première fois, elle en a conscience, et une vague sensation de frayeur commence à la glacer. Qu'a-t-il pu espérer? Que croit-il? Que veut-il? Tour à tour, ses joues deviennent rouges ou plus pâles encore que d'habitude. Ses doigts se crispent sur son ouvrage et, pour se défendre, pour mieux lutter, c'est le nom de Corentin Garec qu'elle appelle. Celui-là, elle l'aime. Si jusqu'à présent il n'y a pas eu entre eux d'engagement absolument solennel, de formelle promesse, leurs yeux se sont rencontrés dans la même pensée, dans le même espoir, dans le même désir. Leurs cœurs sont d'accord, elle sera sa femme. Cela suffit à établir mentalement en elle un parallèle entre les deux hommes. Elle voudrait s'y opposer qu'elle ne le pourrait pas. C'est la face souriante et franche du patron du canot de sauvetage qui lui apparaît d'abord, avec ses 12 yeux bleus dans son visage cuivré, avec son grand air de santé et de force, avec sa grosse simplicité un peu rude qui ne cache aucun dessous équivoque. Elle l'aime pour sa carrure mâle, pour son honnêteté, pour sa force, pour son ardeur au travail, pour sa bonté, pour ce dévouement de tous les instants qui est comme son essence, qui ressort de ses moindres actes, lui faisant risquer constamment sa vie pour sauver celle des autres. De l'admiration se mêle à son amour, une certaine fierté de devenir la femme de cet homme, à l'héroïsme si humble, si peu montré, dont elle apprécie mieux qu'une autre la grandeur et la beauté, à cause de l'éducation un peu plus relevée qu'elle a reçue et qui la met au-dessus des autres femmes de pêcheurs. Certes, avec lui, elle aura à trembler, à craindre pour cette vie qui semble appartenir aux autres plutôt qu'à lui-même, mais elle aussi a le cœur haut placé, en vraie fille de la mer, et elle a confiance dans la chance, dans la vigueur de ce hardi lutteur de l'océan, de cette âme insensible à la crainte, comme si quelque chose de ce courage se reversait un peu en elle-même. Elle se complaît dans cette pensée qu'elle sera sa compagne, que c'est elle qu'il retrouvera au retour de la pêche et qui tiendra sa maison, qui contribuera à lui rendre l'existence heureuse et douce. Elle aura ainsi sa part de l'universelle estime dont jouit Corentin Garrec. Une émotion très tendre glisse au fond de son cœur à cette évocation de tonton Corentin, le type du dévouement simple, de l'abnégation, sorte d'incarnation humaine du chien de Terre-Neuve, allant au danger, à la mort, ainsi que d'autres vont au plaisir. Tonton Corentin, un admirable résumé de cette race de pêcheurs, race de granit, rude comme les dolmens, rude comme les roches de la côte, d'autant plus dure, plus forte, qu'elles sont davantage battues par le fouet des lames, par le heurt terrible des grandes tempêtes. Mais voilà que, sournoisement, en regard de celui-là, se dressait la figure troublante de Jean-Marie Hervé, auquel son sobriquet macabre, le revenant, ajoutait du mystère, rendant plus impressionnante sa personnalité, comme si, réellement, il fût revenu d'endroits que nul ne connaissait, qu'il rapporta le secret de choses presque sacrées, celles que personne n'a jamais sues et qui viennent d'au-delà de la mort. C'étaient des traits plus jolis, moins taillés à la hache que ceux de Corentin, une finesse de la peau sous le hâle, une façon plus coquette de la barbe blonde, des mains moins rudes, moins épaisses que les pauvres gros doigts raidis, couturés de cicatrices, 100 fois blessés du sauveteur, une allure plus distinguée dans les mouvements du corps, malgré aussi de puissantes épaules, une carrure héréditaire chez les guibarques, ces oiseaux de mer de la sauvage et rocailleuse pointe du Raz. Il semblait ainsi d'une condition supérieure à celle de son ancien camarade d'enfance, lequel était toujours resté un simple, ayant fait son temps de service à l'État comme matelot, ayant quitté quartier-maître sans aspirer à un autre grade, puis ayant consacré sa vie à la pêche et au sauvetage. Lui, au contraire, avait une mine dégourdie d'aventurier des grands espaces, de coureur des mers, avec des trous sombres et inquiétants dans son existence passée, dans ses 20 années obscures. Cela avait un attrait, un aimant qui dirigeait vers lui, presque sans résistance, sous l'attirance violente de la curiosité. Sans presque savoir ce qu'elle faisait, Marianic ouvrit le coffret où Yvonne enfermait ce qu'elle appelait ses reliques et, éclairée par la flamme vacillante de la bougie, une photographie se trouva entre les doigts de la jeune fille. Elle l'examina avidement. C'était lui, enfant, lui, Jean-Marie Hervé. On le retrouvait là, tout entier, avec quelque chose de moins sûr dans les yeux, mais son air gentil, mélancolique, la forme de son visage, le nez, la bouche. Ses prunelles soudain prises fondaient dans ses prunelles pâles de la photographie, se laissaient entraîner. « Tu ne dors pas encore, Marianic ?» interrogea une voix derrière la porte. « Si, père, tout de suite !» Vite, elle souffla la bougie et rejeta le carton jauni dans la petite boîte, le cœur battant d'avoir été ainsi surprise, toute troublée. Elle se déshabilla à tâtons, mais, une fois glissée entre ses draps, ne put dormir, les paupières ouvertes sur la figure impossible à chasser de ce revenant.